Mais pour t'offrir des bijoux qui veulent 6 mois de travail, il doit avoir de bien grandes obligations, demanda Hortense, que ce bijou faisait réfléchir profondément. Ah, tu veux en savoir trop d'une seule fois, répondit la cousine bête. Mais écoute, tiens, je vais te mettre dans un complot. Y serais-je avec ton amoureux? Ah, tu voudrais bien le voir. Mais tu comprends, une vieille fille comme votre bête, qui a su garder pendant 5 ans un amoureux, le cache bien. Ainsi, laisse-nous tranquille. Moi, vois-tu, je n'ai ni chat, ni serin, ni chien, ni perroquet. Il faut qu'une vieille bique comme moi ait quelque chose à aimer, à tracasser. Eh bien, je me donne un polonais. A-t-il des moustaches? Longues comme cela, dit la bête en lui montrant une navette chargée de fils d'or. Elle emportait toujours son ouvrage en ville et travaillait en attendant le dîner. Si tu me fais toujours des questions, tu ne sauras rien, reprit-elle. Tu n'as que 22 ans et tu es plus bavarde que moi qui en ai 42 et même 43. J'écoute, je suis de bois, dit Hortense.